Maintenant que nous sommes rendus à la fin de notre rencontre, à la fin de ce cours, ouais. Ouais. Nous allons voir la possibilité de voyager en astral, en groupe. Ouais. Sachez qu'il n'est même pas nécessaire que les autres voyageurs connaissent le voyage astral. Non, car pour eux, vous ferez un peu le même travail que j'ai fait pour vous. Ouais. Ce n'est pas un cours que vous leur donnerez, non. Trop complexe, ce sera. Il est préférable qu'ils écoutent les enregistrements. Ouais. Vous devez savoir qu'amener une personne dans l'astral, c'est prendre les risques et accepter d'en subir les conséquences. Si conséquences négatives, il y a, ouais. Donc, vous ne devez pas faire de folie. Pourquoi amener quelqu'un dans l'astral? Pour voyager avec, pour lui donner la possibilité de voir autre chose que ce qu'il croit exister, que sa conscience lui montre. Ouais. Alors voici comment l'on procède. Ouais. Ouais. Je vous explique la façon. Ouais. Vous vous étendez au sol. Vous ainsi que les personnes avec lesquelles vous voyez, vous voulez voyager, ouais. Vous devez joindre vos mains les unes aux autres, c'est-à-dire que vous faites une chaîne entre les individus avec vos mains. Il est préférable aussi de pouvoir se toucher avec les pieds, ouais. Le pied gauche sur le pied droit, etc. N'entrelacez pas vos jambes. Ne faites que toucher les pieds. Oui. Les mains se tiennent. Voilà. Vous devez, au préalable, expliquer un peu ce qui va se passer. Oui. Lorsque tout le monde est étendu, quatre grandes respiration, vous prenez, oui. Des grandes respirations de façon à relaxer, oui. Tous les gens, vous y compris, devez fermer les yeux, oui, oui. Et là, vous devez parler. Oui. Et tout au long de ce voyage, vous devrez parler. Vous verrez que même si vous communiquez l'information par votre parole, cela ne nuira pas à votre voyage. Non. Cela ne nuit pas si vous êtes devenu ce que vous devez être, un bon voyageur dans le monde astral. Car si vous n'êtes pas tout à fait devenu cela, vous ne parviendrez pas à faire voyager les autres avec vous. Ouais. Vous devez aussi savoir que le scepticisme, que l'intellectualisme chez les autres voyageurs peut être un frein suffisamment puissant pour vous empêcher de réussir. Ouais. Ouais. Donc, ne choisissez que des individus qui sont de bons potentiels au voyage astral. Ouais. Sinon, cela vous nuira et vous ne pourrez pas voyager en groupe. Ouais. Chaque personne doit être instruite de ce qu'est l'astral, de ce qu'est le voyage astral. Ouais. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle soit au courant de l'endroit où vous voulez aller. C'est même plutôt essentiel. Qu'elle l'ignore, oui, qu'elle l'ignore. Car vous devrez la laisser faire ses propres découvertes pour que vous puissiez par la suite comparer avec ce que vous avez vu et avec ce que les autres ont perçu de façon à rendre plus crédible la sortie que vous ferez. Oui, oui. Chaque fois qu'un individu est sceptique lors d'un voyage astral en groupe, il peut nuire dans l'astral inconsciemment à tous les autres voyageurs, sauf peut-être vous, qui êtes maintenant expérimenté. Ouais. Le problème le plus fréquent lors des voyages en groupe, c'est qu'il y a souvent un ou plusieurs individus qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent. Oui. Alors vous devez être suffisamment présent pour percevoir ceux et celles que vous voulez amener avec vous, de façon à les guider. Je vous donne un exemple, mais ce n'est pas un exemple à écouter pour faire un voyage en groupe. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous en servir pendant le voyage en groupe. C'est uniquement un exemple pour que vous puissiez comprendre de quelle façon on doit procéder. Oui, oui. Tout le monde, on se donne la main. Oui, on touche les pieds. Voilà. On prend maintenant 4 grandes respirations. Oui. 4 fois. Maintenant, les yeux fermés. Vous allez tenter de voir ce que je dis. Oui. Oui. Ayez l'impression d'être dans un corps physique. Oui. Ayez l'impression d'être dans un corps physique couché au sol. Oui. Maintenant, avec moi, nous allons tous sortir à l'extérieur de la maison, en haut, sur le toit. Oui. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de danger. Vous devez percevoir l'extérieur de la maison. Oui. On y va. Tout le monde à l'extérieur de la maison. Voilà. Alors, il y en a un qui reste encore dans son corps. Il doit sortir, lui aussi, et faire un tour en haut. Oui. Voilà. Nous sommes à l'extérieur de la maison. Ah, il y en a encore un qui rentre dans son corps. Tout le monde. À l'extérieur. Voilà. Toi, là-bas, ne t'éloigne pas. Reste ici. Oui. Tu verras plus tard. D'autres choses. Voilà. Nous sommes à l'extérieur de la maison. Vous voyez, ça ne fait pas mal. Oui, on sent des choses. Voilà. Il y en a encore un qui est rentré dans son corps. Oui. Tu restes où tu viens. Bon, il vient. Maintenant, ensemble, prenons-nous. Rapprochons-nous. Touchons-nous la main. Montons. Montons. Oui, oui. Traversons les nuages que nous voyons là-bas. Oui. Ah, regardez là-bas. Un avion. Eh oui, allons voir ce que c'est. Vous voyez, vous pouvez faire le tour de l'avion, même s'il vole. Ah bon, il y en a un qui vient de rentrer dans le réacteur et qui vient de ressortir de l'autre côté, ouais. Ne faites pas ce genre de folie. Votre voyage n'est pas suffisamment conscientisé. Mais un voyage plus conscientisé dans le feu d'un réacteur, ça peut là peut créer certains problèmes, ouais. Voilà. Celui qui est en dedans de l'avion sort. Venez. Eh oui, même les adultes, comme les enfants dans le monde astral, ne pensent qu'à faire des conneries. Allez, venez par ici. Ouais. Bon. Maintenant, j'ai un jour appris comment aller en Égypte. Ouais. Eh bien, nous irons en Égypte de la même façon. Ouais. Ouais. Maintenant, vous qui écoutez l'enregistrement, vous avez une idée des problèmes que l'on peut rencontrer, de la distraction, de ce que l'on amène avec soi. Il n'y a pas de danger réel, car habituellement, leur extra-conscientisation ne dépasse pas 40% dans le début. Tous les voyages en groupe que j'ai faits ont donné près de 70% de succès. Je voyageais normalement avec des groupes de 10 personnes et il y en a toujours 2 à 3 dans le lot qui n'y parviennent pas. Trop intellectualistes, ils sont. Oui. On peut faire ce voyage en groupe avec des enfants à la condition qu'on en fasse un voyage touristique. Oui. Et que les jeunes soient bien au courant qu'ils ne doivent croire à rien de ce qu'il y a dans le monde astral. Et qu'il est peut-être préférable qu'ils ne parlent pas trop de leur voyage à l'école. Oui. On doit surtout faire attention pour qu'un jeune ne tente pas, à son tour, avec ses camarades, de faire la même chose. Ouais. Lorsque vous serez en orbite, la meilleure chose à faire est d'aller en Égypte ou en Angleterre, là où vous êtes allé au début. Premièrement, vous connaissez bien la place. Deuxièmement, ce sont des régions historiques, particulièrement utiles pour faciliter la conscientisation du voyage astral. Oui. Oui. Pour le retour et tout au long du trajet, arrangez-vous pour qu'une personne ne reste pas attachée à quelque chose. Vous devez toujours rester ensemble. Et c'est votre voix orale, physique, qui sert de lien. Vous devez donc parler sans cesse. Parce que si vous faites un tas de pauses, certaines personnes s'éloigneront de vous. Ce n'est pas dangereux, dangereux. Mais le voyage n'aura pas la même saveur. Parce que, au retour, lorsque vous confronterez ce que vous avez vu, les individus n'auront pas tous été à la même place. Ils n'auront donc pas tous vu la même chose. Et cela peut engendrer le scepticisme. Ouais. Au retour, soyez certains de ramener tout le monde en orbite, progressivement dans le corps. Voici de quelle façon on revient dans un voyage en groupe. Ouais. Maintenant, nous allons remonter dans les nuages, ouais. Tout le monde, toi aussi. Allez, on monte, ah! On traverse les nuages. Il y a quelque chose d'extraordinaire en haut des nuages. Voilà, si j'ai dit cela, c'était uniquement pour vous forcer à monter. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, nous allons revenir dans notre corps, progressivement, de façon à faire cela agréablement, ouais. Lentement, nous allons sentir notre corps et nous allons bouger un pied. Ouais. On n'ouvre pas les yeux immédiatement. On bouge lentement l'autre pied. Une main. L'autre main. On lâche nos mains et on s'étire. Ouais. On s'étire. C'est très simple de ramener quelqu'un du monde astral. Ouais. Vous devez faire attention, car de temps en temps, certains individus ne veulent pas revenir. Alors, énergiquement, vous pouvez leur dire que s'ils ne reviennent pas, que non seulement ils vont revenir de force, mais que jamais plus ils ne pourront retourner dans l'astral. Bien que cela soit faux, cela fonctionne. Ils reviennent vite. Ouais. Ouais. En groupe, vous pouvez voyager dans l'histoire de la planète. Mais ne tentez pas, en groupe, de rencontrer des maîtres. Parce que l'essence même du groupe rend collectif rapidement les consciences et peut vous assujettir plus facilement à ses maîtres. En groupe, allez dans le passé, dans l'imaginaire. Faites des voyages touristiques. En groupe, n'intervenez pas dans les rêves. Non. Trop de perturbations vous ferez. Oui. Le voyage en groupe doit se limiter aux bases du voyage astral. Uniquement aux bases du voyage astral. Oui. Si vous êtes un groupe de voyageurs astraux atterris, alors, à tour de rôle, vous pourrez diriger un voyage. Oui. Il est préférable d'être un bon voyageur de l'astral si à un moment donné, l'idée nous vient de donner des cours sur le voyage astral, oui, oui, oui. Parce que le karma que vous pourrez engendrer restera accolé à votre conscience pendant le reste de vos vies, oui. Il ne faut pas penser que lorsque l'on donne un cours sur le voyage astral, que les autres individus sont tous des individus qui ont un bon potentiel à la compréhension et au voyage dans le monde de la mort, dans le monde de la mémoire, finalement, dans le monde de l'astral, bien que plusieurs personnes aient une bonne concentration astrale et une bonne capacité à faire ce genre de voyage, une personne sur quatre n'est à peu près pas capable à cause de son intellect. Oui, oui, oui. Étant donné que vous ne devez pas faire confiance au monde astral, sachez aussi que vous ne pourrez pas faire confiance à ce que les autres vont vous rapporter du monde astral. On peut faire confiance aux personnes, mais on ne peut pas faire confiance à ce qu'ils ont vu. Oui, oui. Donc, il ne faut pas, dans le voyage en groupe, que l'une des personnes se prenne au sérieux et veuille jouer au maître planétaire en face des autres voyageurs. Non, non. Le voyage astral, bénéfique, il est. Le voyage astral, dangereux, il peut être. Oui. Bien que cela semble répété souvent, il est d'une importance vitale de retenir qu'on ne doit jamais faire confiance au monde astral. S'il est comme une pellicule de film, nous pouvons la regarder comme l'on regarde un film, mais nous ne pouvons pas croire que le film est de la réalité. Bien que le film puisse nous instruire de certaines choses, nous ne devenons pas assujettis à la pellicule, à la mémoire. Ainsi, il en est pour le monde de la mort, le monde astral. Ce n'est pas la beauté de l'image, la clarté du son, l'harmonique de la musique, la perfection du film qui fait que le film est réel. Un film n'est uniquement que de la mémoire de réalité, aussi parfaite soit-elle. Ainsi, il en est du monde astral. Car, à travers vos voyages, en groupe ou en solo, vous rencontrerez des choses que vous n'avez jamais vues, jamais goûtées. Jamais senti. Ouais, jamais entendu. Et cela peut vous assujettir, vous rendre dépendant, telle une drogue, de partie de l'astral. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Danger, il y a. Ouais. Vous pouvez faire des voyages astraux lorsque vous faites des voyages à l'étranger. Oui. Lorsque vous visitez des ruines égyptiennes, des ruines Inca, des ruines mayas, des ruines indigènes, romaines, grecques, alors vous devez vous installer dans la ruine. Vous devez, si ce n'est pas possible, avoir une pièce de la ruine, un caillou qui traînait sur le sol, tenir dans les mains, et simplement vous visualiser dans la ruine. Vous visualisez la ruine sans les ruines. Et alors, vous serez instantanément transporté dans une époque reliée à cette construction. Oui. Le voyage, en gros, permet l'archéologie. Mais il permet aussi la conscientisation vers des choses qui ont échappé jusqu'à maintenant à votre conscience. Oui. Oui. Pour connaître l'histoire d'un peuple, rien ne vaut un voyage dans la conscience mémorielle de ce peuple. C'est le voyage dans l'astral. Je vous laisse maintenant en vous rappelant qu'on ne doit jamais faire confiance au monde astral et à tout ce que l'on rencontre dedans. Vous devez faire des voyages en solo. Et vous devez m'oublier, car jamais je ne vous rencontrerai maintenant dans le monde astral. Non. D'autres personnes, il y a. Ouais. Ouais. Bon voyage.